L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Traduit de l'italien par Elsa Damien. Lenou commence à se détacher de son quartier. Férue de littérature, elle excelle au lycée. Cette distance, à la fois physique et intellectuelle, lui permet d'observer son milieu plein de bruit et de fureur. Lila, à l'inverse, ne cherche pas à s'éloigner, mais bien à se placer au cœur même de son quartier, dans la boutique de son père ou à la maison avec sa mère. Marcello Solara lui tourne autour. Stefano, l'épicier, aussi. Mais Lila ne veut pas se fiancer. Quant à son frère Rino, il n'a qu'une idée en tête, créer une marque de chaussures à leur nom, Cerullo, pour devenir riche et échapper à leur misère. Il est prêt à tout pour humilier les frères Solara qui fanfaronnent au volant de leur Fiat 1100. Septième épisode, les feux d'artifice du nouvel an. La dernière nuit de l'année, ponctuée de lumières éblouissantes et d'explosions, était une nuit de bataille dans le quartier et dans tout Naples. La fumée très dense de la poudre noyait tout dans un brouillard, pénétrait dans les maisons, brûlait les yeux et faisait tousser. Mais le crépitement des pétards, le sifflement des fusées et la canonnade des bombes avaient un coup. Et comme toujours, celui qui tirait le plus gros feu était celui qui avait le plus d'argent. Nous, les Greco, nous n'avions pas le sou. Du coup, notre contribution au feu d'artifice de fin d'année était maigre. Chez Lila non plus, on ne faisait pas grand-chose, au point que Rino s'était vite rebellé. Depuis ses 12 ans, il avait pris l'habitude de s'en aller pour fêter minuit avec des gens plus audacieux que son père, et ses initiatives pour récupérer les bombes n'ayant pas explosé étaient célèbres. Il partait à leur recherche dès que le chaos de la fête finissait. Il les rassemblait toutes dans la zone des étangs. Là, il y mettait le feu et jouissait de la grande flambée, des boum boum boum et de la déflagration finale. Il avait encore une cicatrice sombre sur la main, une grosse tache due à la fois où il ne s'était pas reculé à temps. Les fêtes de fin d'année approchant, Rino fut pris par l'obsession de tirer un feu d'artifice plus gros que celui de tout le monde et surtout plus gros que celui des Solara. Parmi les nombreuses raisons évidentes et secrètes à l'origine de ce défi de la fin de l'année 1958, il faut peut-être comprendre aussi que Rino voulait prendre une revanche sur la pauvreté de son enfance. En effet, il s'acharna à glaner de l'argent ici et là pour s'acheter des feux d'artifice. Mais on savait bien, et il le savait aussi, qu'il n'y avait pas de compétition possible avec les Solara. Les deux frères faisaient des va-et-vient depuis des jours dans leur 1100, le coffre bourré d'explosifs. Ah, ce qui m'énerve, c'est de là. Mais cette année, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ah, t'inquiète. Rino, on va leur en mettre plein la vue. Tu peux compter sur moi. T'as besoin de combien? 3000? 4000? 5000? Merci Enzo. Je t'en vaudrai ça. Promis. La situation prit un tour inattendu et un peu différent. Le jour où nos mères nous envoyèrent, Lila et moi, faire les courses du réveillon dans l'épicerie de Stefano Carracci. Derrière le comptoir, en plus de Stefano et Pinuccia, Alfonso servait aussi et il nous fit un sourire gêné. Nous nous préparâmes à attendre longtemps, mais Stefano lui-même vint à notre rescousse. Bonjour Lila. Alfonso, tu peux servir Elena s'il te plaît? Oui. D'accord, je m'en occupe. Merci. À tout de suite. Bonjour, combien de temps là? Stefano nous rejoignit sur le trottoir. Il avait une expression paisible et un sourire cordial. Elena? Est-ce que vous voulez venir fêter le nouvel an chez moi? Mon frère Alfonso y tient beaucoup. Merci, c'est gentil, mais on est déjà prise. On fait la fête avec Rino et des amis. Alors faites passer l'invitation à Rino et même à vos parents. Vous savez, la maison est grande et on tirera les feux d'artifice sur le toit. Oui, mais avec nous, il y a aussi Pasquale et Carmen Peluso, avec leur mère. Ah. Cette phrase de Lila aurait dû couper court à tout bavardage ultérieur. Alfredo Peluso était en train de croupir à la prison de Poggio Reale parce qu'il avait tué Don Achille. Et le fils de Don Achille ne pouvait inviter les enfants d'Alfredo à trinquer chez lui pour la nouvelle année. Stefano regarda Lila comme si jusqu'à cet instant, il ne l'avait pas remarqué. Très bien. Alors venez tous. On boira le mousseux et on dansera. Nouvelle année, nouvelle vie. Il faut qu'on en parle à mon frère. Tenez-moi au courant. Et les feux d'artifice ? Qu'est-ce que tu veux dire ? On apportera les nôtres. Et toi ? Tu en veux combien, des feux d'artifice ? Plein, plein, plein ! Venez tous chez moi et je vous promets qu'à l'aube, on sera encore en train de les tirer, nos feux d'artifice. C'est pour toi qu'il fait ça. Mais non, c'est pour toi. Il est amoureux et pour que tu viennes chez lui, il est prêt à inviter des communistes. Et même les assassins de son père. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Il ne m'a même pas regardée. Oh. Rino. Quoi ? Stefano nous invite pour le feu d'artifice. Pashka, Stefano nous invite pour le nouvel an. Enzo. Quoi ? Moi je vais pas chez Stefano. On y va ? Bah, non, c'est hors de question. Pourquoi pas ? Si. Nos parents furent ravis de cette invitation parce que pour eux, Don Achille n'existait plus. Quant à ses enfants et sa femme, c'étaient de braves gens. Ils étaient aisés et les avoir pour amis était un honneur. Au début, Lila en resta étourdie, comme si elle avait oublié où elle se trouvait. Les rues, le quartier, la cordonnerie. Puis un jour, en fin d'après-midi, elle apparut chez moi avec l'air de celle qui a tout compris. On s'est trompé. Stefano ne s'intéresse ni à toi ni à moi. Quoi ? Nous en discutâmes comme nous le faisions toujours, en mélangeant des faits réels et imaginaires. C'est juste pour provoquer Marcello. S'il ne s'intéressait pas à nous, oui, alors que voulait-il ? Tu te rappelles quand Michele a fait chasser Pasquale de la fête de la mère de Giliola ? Mm-hmm. Il s'est mêlé des affaires des Caracci. Et il a fait passer Stefano pour un incapable qui ne savait même pas défendre la mémoire de son père. Et voilà que Stefano fait la paix avec Pasquale et l'invite chez lui pour le nouvel an. Et qu'est-ce qu'il y gagne ? Je sais pas. Il veut peut-être faire un geste que dans le quartier, personne d'autre ne ferait. Tu veux dire pardonner ? Non. Lila secoua la tête sceptique. Non, t'as raison. Elle essayait de comprendre. Toutes les deux, nous essayions de comprendre. Et comprendre, c'était quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Stefano n'avait pas l'air du genre à pardonner. D'après Lila, il avait quelque chose d'autre en tête. Ah, tu te rappelles quand j'ai raconté à Carmela qu'elle pourrait être la petite amie d'Alfonso et que du coup, elle serait la petite amie du fils de la victime de son père ? Oui. Stefano a une idée du même genre. Quoi ? Il veut se marier avec Carmela ? Non. Non. Mieux. Il veut remettre tous les compteurs à zéro. Il veut essayer de mettre fin à l'avant. Il veut faire passer dans les actes une phrase du genre « Je sais, mon père était ce qu'il était, mais maintenant, c'est moi qui suis là, c'est nous. » Alors ça suffit. Tu veux dire qu'il veut faire comprendre à tout le quartier qu'il n'est pas Don Achille et que les Peluso, c'est pas seulement la famille de l'assassin de son père ? Cette hypothèse nous plut. Ah oui ? Et nous fûmes prises d'un grand élan de sympathie pour le jeune Carracci. Peut-être. C'est possible, non ? Nous décidâmes d'être de son côté. On en parle à Rino. Ouais. Rino ! Rino ! Viens voir ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais, l'invitation pour le nouvel an. Noumi m'a expliqué à Rino que l'invitation de Stefano était plus qu'une invitation. C'est un plan. Puisque c'était comme s'il disait, avant nous, de mauvaises choses se sont produites. Nos pères, d'une façon ou d'une autre, se sont mal conduits. Mais à partir d'aujourd'hui, prenons en acte. Et c'est pour ça qu'il invite tout le monde. Pour prouver que les enfants sont meilleurs que les parents. Meilleurs ? Ah ouais ? Mais oui, meilleurs, oui, c'est ça. Et à l'opposé des Solara, qui sont encore pires que leur grand-père et leur père. T'es convaincu ? Je sais pas. Mais allez, il faut qu'on en parle à Pasquale. Oui. On y va. Il veut effacer le passé. Oui. Je suis pas d'accord. L'argent qui permet à Stefano de gagner encore plus d'argent, ça reste l'argent que son père a gagné au marché noir. T'as raison, mais tu préfères être du côté de quelqu'un qui veut changer les choses ou du côté des soldats? Moi, je suis de mon côté. Un point, c'est tout. Mais Pasquale était un brave garçon. Il y réfléchit encore et encore. Il alla en parler à sa mère. Il en discuta avec toute la famille. Giuseppina, autrefois travailleuse infatigable et toujours de bonne humeur, légère et exubérante, était devenue, après l'incarcération de son mari, une femme mélancolique et défaite par le mauvais sort. Elle s'adressa au curé qui passa à la boutique de Stefano, discuta longuement avec Maria, puis retourna parler avec Giuseppina Peluso. Écoutez, Giuseppina, la vie est déjà assez difficile comme ça. Et si l'on réussit, à l'occasion de la nouvelle année, à diminuer les tensions habituelles, ça serait mieux pour tout le monde. Va bene, grazie. C'est ainsi que le 31 décembre, après le réveillon, à 23h30, plusieurs familles, celles de l'ancien menuisier, du portier, du cordonnier, du marchand de fruits et de Méline, grimpèrent en file indienne jusqu'au quatrième étage, jusqu'à ce vieil appartement de Don Achille et que nous avions tellement détesté, afin de fêter ensemble la nouvelle année. Stefano nous accueillit de façon très cordiale. Je me rappelle qu'il s'était coiffé avec soin, que son visage était un peu rouge à cause de l'agitation et qu'il portait chemise blanche, cravate et gilet bleu. Je me dis qu'il était très beau et qu'il avait des manières de prince. Je calculais qu'il avait presque 7 ans de plus que Lila et moi et pensais alors qu'être la petite amie de Gino qui avait mon âge ne valait vraiment pas un clou. Quand je lui avais demandé de me rejoindre chez les Carracci, il m'avait répondu qu'il ne pouvait pas parce que ses parents ne le laissaient pas sortir après minuit. C'était dangereux. Moi, je voulais un copain plus âgé, pas un gosse, mais un homme, un vrai, comme Stefano, Pasquale, Rino, Antonio ou Enzo. Je tripotais nerveusement mes boucles d'oreilles et le bracelet d'argent de ma mère. J'avais recommencé à me sentir belle et voulais en lire la preuve dans leurs yeux. Mais ils semblaient tous absorbés par les feux d'artifice de minuit. Ils attendaient leur guerre entre hommes et n'avaient même pas l'air de prêter attention à Lila. Attention, attention, attention. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Bonne année à tous, que ce soit une année prospère et heureuse. Bonne année, bonne santé à tous. Bonne année, Lucia. Bonne année, bonne année. Allez, allez, on monte tous sur le toit, c'est l'heure des feux d'artifice. Allez, les enfants, oui. Qu'est-ce que je t'avais dit? Oh là là, comme c'est beau, regardez! Regardez toutes les étoiles dans le ciel! Ah, ça démarre! Regardez! Les garçons étaient en pullover. Pasquale et Enzo étaient même en manches de chemise. Lila, Ada, Carmela et moi portions de petites robes légères que nous mettions pour aller danser et nous tremblions de froid et d'excitation. On allume les boules lumineuses pour les enfants ? Oui. J'allumais les chandelles et les roues lumineuses des enfants. J'aimais voir dans leurs yeux la stupeur apeurée que j'avais éprouvée quand j'étais petite. Méline, Ada, venez. Vous voulez allumer la mèche d'un feu de Bengale avec moi? Ah ouais. Allez, on y va. Oh, oh, c'est joli. Ada. Lila. J'ai peur. Oh ouais, c'est bien. Rino, Stefano, Pasquale, Enzo et Antonio transportèrent des caisses, des boîtes et des cartons d'explosifs, fiers de toutes les munitions qu'ils avaient réussi à accumuler. Les allumettes se mirent à flamber. et les plus grands s'allumèrent mutuellement les cigarettes en mettant leurs mains en coupe, bavardant avec sérieux et cordialité. Si une guerre civile éclate, me dis-je, comme celle entre Romulus et Rémus, Marius et Sylla, ou César et Pompée, ils auront exactement les mêmes visages, les mêmes regards et les mêmes attitudes. Allez, on met les bouteilles. Tous les garçons remplirent leurs chemises de pétards et de bombes et installèrent des rangées de fusées dans des bouteilles vides en enfilade. Au moins deux fusées par bouteille. Deux par bouteille, oui. Lila, Ada, Carmela, allez-nous! Votre mission est d'approvisionner constamment tout le monde en munitions, d'accord? Wouah! Mon Dieu! T'as mis ces couleurs? Mamma mia, quel tir! Allez! Allez! Tu es badin, Jens, qu'est-ce que tu fais? C'est du gaspillage si tu lances les fusées sans attendre que la mèche prenne vraiment feu! De larges zones de ciel noir réapparurent. Mon Dieu! Le balcon des soldats, malgré la fumée et entre les éclairs de lumière, devint plus visible. On les voyait. Le père, les fils, la famille, les amis, comme nous, ils étaient saisis d'une envie de chaos. Tout le monde savait, dans le quartier, que ce qu'on avait vu jusqu'à présent n'était rien. Et que les soldats ne se déchaîneraient vraiment que lorsque les pouilleux en auraient fini avec leur misérable divertissement, leur crépitement miteux, et leurs gouttelettes d'argent et d'or. Alors ils deviendraient les maîtres absolus de la fête. Vous allez voir ce que vous allez voir. Rino, descend, va tomber. Faut que j'aille m'occuper de maman. C'est ça, mon chat. Madame Melina, venez, on va rentrer ensemble. Oui, il faut un bouton de tonnerre, hein. Allez, là, s'il te plaît. On reviendra. Bien. Allez, on y va. Les explosions causées par les Solara devenaient de plus en plus puissantes et une de leurs fusées, au lieu de finir dans le ciel, éclata contre le parapet de notre terrasse dans un éclair rouge assourdissant et une fumée suffocante. Ils ont fait exprès ? Stéphano courut dans un coin où il avait déposé une caissette que nous, les filles, avions ordre de ne pas toucher et il invita les autres à se servir. Venez par là ! Allez, venez, on va leur montrer de quoi on est capable ! Ouais, on va leur faire voir ! Prenez ça, merdeux ! Nous, les filles, nous regardions leurs noires silhouettes prises de frénésie et nous tremblions de plus en plus de froid. Nous étions restés seuls et sans plus aucun rôle. Lila était muette, saisie par le spectacle comme par une énigme. Elle était en train de vivre ce phénomène que plus tard elle appela la délimitation. C'était comme si par une nuit de pleine lune sur la mer, la masse toute noire d'un orage s'avançait dans le ciel et supprimant toute clarté, abîmait la circonférence du cercle lunaire et déformait le disque brillant en le réduisant à sa véritable nature de matière brute et privée de sens. Lila imagina, vit, sentit, comme si c'était vrai, se briser son frère. Devant ses yeux, Rino perdit la physionomie qu'il avait toujours eue, d'aussi loin qu'elle se souvienne, celle d'un garçon généreux et honnête, avec ses traits agréables, inspirant confiance, le profil aimé de celui qui, depuis toujours, l'avait amusé, aidé et protégé. Au milieu de la violence des explosions, dans le froid, la fumée qui brûlait les narines et la forte odeur de soufre, quelque chose attaqua la structure matérielle de son frère, exerçant sur lui une pression tellement intense que ses contours se brisèrent et que sa matière se répandit comme un magma, révélant à Lila de quoi il était réellement fait. Chaque seconde de cette nuit de fête fit horreur à Lila, et elle eut l'impression que, de la même manière qu'avait Rino de bouger et de se répandre alentour, ses limites à elle cédaient aussi, devenant de plus en plus molle et fragile. Elle eut du mal à se maîtriser, mais elle y réussit et son angoisse ne se manifesta pratiquement pas à l'extérieur. Dans le tumulte des explosions et des couleurs, je lui prêtais peu d'attention. Ce qui me frappa, je crois, ce fut son expression de plus en plus apeurée. Je m'aperçus qu'elle fixait l'ombre de son frère, le plus actif, le plus crâneur et celui qui hurlait de la manière la plus excessive des insultes sanguinaires en direction de la terrasse des Sollara avec répulsion. Elle, qui d'habitude n'avait peur de rien, elle avait l'air épouvantée. Mais ce furent là des impressions auxquelles je ne repensais que plus tard. Sur le moment, je n'y fis pas attention. Je me sentais plus proche de Carmela et d'Ada. Comme toujours, Lila semblait n'avoir nullement besoin des attentions des garçons. Nous, au contraire, plantés dans le froid, au milieu du chaos, sans leurs attentions, nous ne trouvions aucun sens à nous-mêmes. Nous aurions préféré que Stefano, Enzo et Rino arrêtent la guerre, qu'ils passent un bras autour de nos épaules, pressent leur corps contre le nôtre et nous fassent des compliments. Nous restions serrés les unes contre les autres pour nous réchauffer, alors que les garçons se précipitaient pour attraper des cylindres munis de grosses mèches, sidérés par l'infinie réserve de feux d'artifice de Stefano, plein d'admiration pour sa générosité et troublé par tout l'argent qu'il était possible de transformer en jets lumineux, explosions et fumées, pour la pure et simple satisfaction de gagner. Ils ont fini. Ils n'ont plus rien. Maruzze, la Maruzze. Le miserio da cuore, le miserio da me un dispiacere. Tu vuole me fare sbattere, più forte vuole quando c'era scuro. Prima mi dice sì, poi dolce voce me fai morire, ma luce. Ça. Tout le monde rentre. Je plaisante pas. Allez, vite, dépêchez-vous. Quoi ? De quoi tu parles ? Les filles, venez tout de suite. Lila, suis-moi. Quoi ? Ils nous tirent dessus maintenant. Allez, salauds, je vais les buter. Rino, espèce de crétin, viens là tout de suite. Lila saisit son frère par le bras et le tira de toute sa force. Nous, les filles, nous rentrâmes en courant. Pour gagner, les Sollara étaient prêts à nous tirer dessus à coups de fusil. À suivre. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien, adapté par Victoire Bourgois. 7e épisode, les feux d'artifice du Nouvel An. Avec Amira Cazar, Louise Ori Di Quero, Julia Dussolier, Étienne Galarague, Sylvain de Guillaume, Thomas Harel, Adrien Zumthor, Florence Janas, Louison Alix, Alice Gozlan, Edith Baldi, Renaud Bertin, Samuel Charles, et les voix de Anton et Oscar Le Borgne Septet. Musique originale, Arthur B. Gillette. Conseillère littéraire, Catel Guillou et Emmanuel Chevrière. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Aude Picon. L'Amie prodigieuse est éditée aux éditions Gallimard.